Robert Charles Mathurin, Melmoth ou l'homme errant, quatrième partie, chapitre 4. Plusieurs jours s'écoulèrent avant que l'étranger revînt visiter l'île. Il serait impossible à l'homme de découvrir quelles furent dans cet intervalle ou ses occupations ou ses sensations. Peut-être que parfois il triomphait dans les maux qu'il avait infligés, et que parfois aussi il y compatissait. Poussé enfin ou par la malignité ou par la tendresse ou par la curiosité, ou par l'ennui d'une vie artificielle avec laquelle la pure existence d'Imalie formait un contraste si parfait, il retourna dans l'île enchantée, nom qu'elle avait reçu des Indiens du voisinage. Mais il lui fallut traverser bien des sentiers que nul pied humain n'avait encore foulés, bien des ruisseaux où nul pied n'avait trempé, avant qu'il pût découvrir le lieu où Imalie s'était cachée. Elle n'avait cependant pas eu l'intention de se dérober à ses regards. Quand il la trouva, elle était appuyée contre un rocher. À ses pieds, l'océan faisait retentir son murmure éternel. Elle avait choisi le site le plus sauvage qu'elle avait pu trouver. Il n'y avait près d'elle ni fleurs ni buissons. Les seuls objets qui l'entouraient étaient les masses de rocs calcinées par l'action des volcans, et les flots dans lesquels son pied se baignait, en paraissant à la fois invité et mépriser le danger dont il le menaçait. La première fois que l'étranger l'avait vue, elle était environnée de fleurs et de parfums. Tout ce que la nature végétale et animale offre de plus brillant, des roses et des paons, semblait lutter entre eux, qui répandrait sur elle un éclat plus vif et un baume plus délicieux. Aujourd'hui, elle paraissait abandonnée par la nature dont elle était l'enfant chéri. Elle reposait sur le rocher et semblait avoir l'océan pour lit. Elle n'avait ni coquillage dans son sein, ni rose dans ses cheveux. Son caractère paraissait changer avec ses sentiments. Elle n'aimait plus ce qu'il y avait de plus beau dans la nature. On eût dit que, prévoyant sa destinée, elle voulait d'avance se familiariser avec ce qu'elle avait de plus triste et de plus lugubre. Elle commençait à aimer les rochers et l'océan, le murmure des flots et la stérilité des sables, objets mélancoliques dont la seule vue nous rappelle la douleur et l'éternité. Ceux qui aiment peuvent chercher les délices des jardins et s'enivrer des parfums qui semblent être les offrandes de la nature sur l'autel qui brûle déjà dans leur cœur. Mais que ceux qui ont aimé s'égarent sur les rivages de l'océan, ils y entendront aussi une voix qui leur répondra. Imalie, dans la solitude, avait un air morne et troublé, qui semblait à la fois exprimer le conflit de ses émotions intérieures et réfléchir la tristesse et l'agitation des objets physiques qui l'entouraient. Car la nature préparait une de ces horribles convulsions, une de ces agonies intempestives qui servent à annoncer, pour l'avenir, une colère plus complète, et qui, par la destruction de la nature animée sur un espace limité, proclame dans les roulements de son tonnerre qu'un jour viendra où le monde entier sera détruit de même, et où s'accomplira la promesse terrible que cette dévastation partielle s'est bornée à prédire. La soirée était sombre, d'épais nuages obscurcissaient l'horizon, du levant au couchant. Un azur pâle brillait au haut des cieux et ressemblait à l'éclat des yeux d'un mourant. Pas un souffle ne ridait la surface de la mer. Les feuilles se penchaient sans qu'un zéphyr vînt les soulever. Les oiseaux s'étaient retirés, guidés par cet instinct qui leur apprend à éviter le terrible combat des éléments. L'aile abattue et la tête penchée, ils se cachaient dans les branches de leurs arbres favoris. La nature, dans ses grandes et terribles opérations, ressemble à un juge qui garde un silence profond, quelques moments avant de prononcer la terrible sentence qui va sortir de sa bouche implacable. Imali considérait le spectacle effrayant qui l'environnait sans aucune émotion née de cause physique. Jusqu'alors, le jour et les ténèbres avaient été la même chose pour elle. Elle aimait le soleil à cause de sa lumière durable et la foudre pour son éclat passager. L'océan lui plaisait par son retentissement sonore et la tempête par l'agitation qu'elle causait aux feuilles des arbres. Enfin, elle aimait le repos de la nuit et la douce lumière des étoiles. Telle du moins l'avait été jadis. Cette fois, son œil se fixait sur le jour qui baissait pour faire place à l'obscurité. À cette obscurité contre nature qui semblait dire aux plus beaux ouvrages de la divinité « Retirez-vous, vous ne brillerez plus ». Les ombres s'épaississaient, les nuages, semblables à une armée qui a réuni toutes ses forces, se préparaient à combattre les rayons épais de lumière qui brillaient encore dans le ciel. Une seule bande large et d'un rouge obscur bordait l'horizon. Le murmure des eaux augmentait, et le tronc du manglier frémissait, tandis que ses branches enracinées semblait vouloir abandonner la terre à laquelle elle s'était unie. En un mot, la nature, par toutes les voies que pouvait lui prêter la terre, les airs et les eaux, annonçait à ses enfants un danger imminent. Ce fut là le moment que l'étranger choisit pour s'approcher d'Imali. Il était insensible au danger et ne connaissait point la crainte. Sa misérable destinée l'avait mis à l'abri de l'un et de l'autre. Mais que lui avait-elle laissé ? Une seule espérance, celle de plonger les autres hommes dans sa propre condamnation. Une seule crainte, celle de voir sa victime lui échapper. Cependant, malgré sa cruauté diabolique, il ne put s'empêcher de sentir un mouvement de compunction en apercevant la jeune indienne. Ses joues étaient pâles, mais son œil était fixe, et sa figure détournée, comme si elle avait préféré la tempête à ses regards, semblait dire « Puissais-je tomber dans les mains de Dieu plutôt que dans celles des hommes ?» Cette attitude qu'Imali avait prise sans aucune intention, et qui n'exprimait nullement ses véritables sentiments, rendit au cœur de l'étranger toute sa malignité naturelle. Ses projets cruels et ses désirs habituellement sombres et diaboliques reprirent tout leur empire. En voyant le contraste de l'innocence sans secours au milieu des convulsions de la nature, il éprouva le même sentiment de plaisir qu'il ressentait quant au moyen de la puissance surnaturelle qui lui avait été départie. Il pénétrait dans les cabanes des fous ou dans les cachots de l'Inquisition. Il semblait se dire que la foudre qu'il était prêt à diriger contre le cœur de cet être si pur était plus sûre que celle des nuages qui brillaient autour d'elle. Armé de toute sa perversité, de toute sa puissance, il s'approcha d'Imali, qui n'était défendue que par sa pureté. Il y avait entre sa personne et sa position un contraste qui aurait touché tout autre que l'homme errant. L'éclat de sa figure brillait au milieu de l'obscurité qui l'environnait, et sa douceur était rendue plus remarquable encore par la sévérité du rocher contre lequel elle s'appuyait. L'étranger s'approcha sans être aperçu. Le murmure des flots et des vents couvrait le bruit de ses pas. Mais en s'avançant, il entendit des sons qui l'étonnèrent. Il s'arrêta pour les écouter. C'était la pauvre indienne qui, sans connaître et sans craindre son danger, chantait aux échos de la tempête une espèce d'hymne sauvage de désespoir et d'amour. En voici quelques strophes. La nuit devient plus obscure, mais cette obscurité, qu'est-elle auprès de celle que son absence a répandue sur mon âme? Les éclairs brillent autour de moi, mais que sont-ils auprès de l'éclat de son œil quand il m'a quitté en courroux? Je n'ai vécu que dans la lumière de sa présence. Pourquoi ne mourrai-je pas quand cette lumière m'est ôtée? Courroux des nuages, qu'ai-je à craindre de vous? Vous pouvez me réduire en poussière, comme je vous l'ai vu faire aux branches des arbres. Mais le tronc restait, et mon cœur sera toujours à lui. Me gissez, terrible mer, vos flots que je ne puis compter n'effaceront point son image de mon cœur. Mon cœur restera ferme comme le rocher. Même au sein des calamités de ce monde dont il me menace, de ce monde dont, sans lui, je n'aurais jamais connu les dangers et que je suis prête à braver pour lui. Quand nous nous rencontrâmes pour la première fois, mon sein était couvert de roses. Aujourd'hui, je les rejette loin de moi. Quand il me vit la première fois, tous les êtres vivants m'aimaient. Maintenant, leur amour m'est indifférent. Je ne sais plus les aimer. Quand il venait tous les soirs me voir, je désirais que la lune brillât. Maintenant, je la vois sans regret se cacher dans les nuages. Avant qu'il fût venu, tout m'aimait, et j'aimais toute la nature. Maintenant, je sens que je ne puis aimer qu'un objet, et cet objet m'a abandonné. Depuis que je l'ai vu, tout a changé de face. Les fleurs n'ont plus leur brillante couleur. Le murmure des eaux est moins doux. Les étoiles ne me sourient plus du haut des cieux, et moi-même je commence à préférer la tempête au calme. En terminant son chant sauvage, elle voulut quitter le lieu où la fureur toujours croissante de la tempête ne lui permettait plus de rester. Quand, en se retournant, elle vit les yeux de l'étranger fixés sur elle. À cet aspect, elle rougit, et ne fit point entendre le cri de joie avec lequel elle avait l'habitude de le recevoir, mais elle le suivit d'un pied chancelant et en détournant la tête, jusqu'aux ruines de la pagode, où il faisait signe de venir chercher un asile contre le courroux des éléments. Ils s'en approchèrent en silence, et il était étrange de voir au milieu des convulsions de la nature deux êtres marcher ensemble, sans prononcer un mot de crainte, sans éprouver un sentiment d'inquiétude. L'un était armé par son désespoir, l'autre par son innocence. Imali aurait préféré l'abri de son bananier favori. Mais l'étranger essaya de lui faire comprendre qu'elle y courait plus de danger que dans le lieu qu'il lui indiquait. « Du danger !» s'écria l'Indienne avec un sourire vague, mais enchanteur. « En puis-je courir quand vous êtes auprès de moi ? N'y a-t-il donc point de danger en ma présence ? Bien peu de personnes m'ont vu sans en craindre, et même sans en éprouver. » Pendant qu'il parlait ainsi, son front se couvrait de nuages plus sombres que ceux qui obscurcissaient le ciel. Imali, ajouta-t-il d'une voix que rendait plus pénétrante l'émotion inusitée qui remplissait son cœur. Imali, vous ne pourriez être assez faible pour me croire en état de commander aux éléments. Si je l'étais, j'en atteste ce ciel qui me contemple avec colère, le premier acte de mon pouvoir serait de choisir sa foudre, la plus prompte et la plus meurtrière pour vous clouer à la place où je vous vois. « Moi, répéta l'Indienne tremblante et pâlissant plutôt de ses paroles et du ton dont il les prononçait que de la fureur redoublée de la tempête, « Oui, oui, vous, malgré toute votre amabilité, votre innocence, votre pureté, et ce serait pour empêcher qu'un feu bien plus ardent ne consume votre existence et ne tarisse la source de votre sang, pour que vous ne soyez plus exposé à un danger mille fois plus funeste que celui dont les éléments vous menacent, le danger de ma maudite et misérable présence. » Imali, ne sachant ce qu'il voulait dire, mais compatissant à l'agitation qu'il paraissait éprouver, s'approcha de lui pour calmer, s'il était possible, une émotion dont elle ne pouvait deviner ni le nom ni la cause. Pâle et chevelée, les mains jointes, on eût dit qu'elle demandait pardon d'un crime qu'elle ignorait. Tout autour d'elle était sauvage et terrible. La terre était joncée de fragments, de pierres et de décombres, tandis que la voûte entrouverte donnait passage par moments à des éclats d'une lumière terrible, plus effrayante que les ténèbres. Au sein de cette désolation, elle semblait un ange descendu du ciel avec un message de réconciliation qu'elle apportait en vain. L'étranger lui lança un de ces regards qu'aucun œil mortel, autre que le sien, n'avait encore pu contempler sans effroi. Mais son expression ne fit qu'inspirer à la victime un dévouement plus complet. Peut-être un sentiment de terreur involontaire se mêlait-il à cette expression. Lorsque cette belle créature se jeta aux pieds de son ennemi désespéré et le supplia par son silence, plus éloquent que ses paroles, d'avoir pitié de lui-même. Toutes ses sensations semblaient concentrées sur l'objet mal choisi de leur idolâtrie. Tout en elle indiquait cette soumission que le cœur d'une femme éprouve pour les fautes, les passions, les crimes, même de l'objet qu'elle aime. Imélie s'était d'abord inclinée devant celui qu'elle aimait, dans l'espoir de le fléchir. Elle s'était ensuite mise à genoux, en restant loin de lui. Elle finit par saisir sa main. Elle la pressa de ses lèvres décolorées. Elle voulut prononcer quelques paroles, mais ses larmes, qui baignaient la main qu'elle tenait, l'en empêchèrent, tout en s'expliquant pour elle. Cette main lui fit, dans le premier moment, une réponse, en serrant la sienne avec un mouvement convulsif. Mais l'étranger ne tarda pas à la rejeter loin d'elle. Elle restait effrayée et prosternée devant lui. « Imélie, dit l'étranger avec effort, désirez-vous que je vous explique les sentiments que ma présence devrait vous inspirer ?»« Non, non, non, dit l'Indienne en appliquant ses mains blanches et délicates, d'abord à ses oreilles et puis à sa poitrine. Je ne les sens que trop. Haïssez-moi, maudissez-moi, dit l'étranger, sans faire attention à ce qu'elle venait de dire, et frappant du pied avec violence, haïssez-moi, car je vous hais. Je hais tout ce qui existe, tout ce qui n'est plus. Je suis moi-même haï et haïssable. Ce n'est pas moi qui vous hais, dit la pauvre indienne en tâtonnant à travers ses larmes pour saisir sa main qui l'éloignait. Vous me haïriez comme les autres, et si vous saviez qui je suis et qui je sers. Imélie appela à son secours toute l'énergie du cœur et de l'esprit qu'elle venait nouvellement d'acquérir pour répondre à cette observation. « Je ne sais qui vous êtes, mais je suis à vous. Je ne sais qui vous serez, mais qui que ce soit, je le servirai aussi. Je veux être à vous pour toujours. Abandonnez-moi si vous voulez, mais quand je serai morte, revenez dans cette île, et dites en vous-même. Les roses ont fleuri et se sont fanées. Les ruisseaux ont coulé et se sont desséchés. Les rochers ont été déplacés. Et des astres dans le ciel ont changé les cours, leurs cours. Mais il existait un cœur qui n'a jamais changé, et il n'est point ici. Imélie, dit l'étranger. Elle le regarda, et avec un mélange d'étonnement et de douleur, elle vit couler des larmes de ses yeux. L'instant d'après, il les essuya avec un geste de désespoir et grinça des dents. Il poussa un éclat de rire. Il poussa un éclat de ce rire convulsif qui indique que nous sommes nous-mêmes l'objet de notre raillerie. Imélie, que ses sensations avaient fatiguées à l'excès, tremblait en silence à ses pieds. « Écoutez-moi, malheureuse fille, s'écria-t-il d'un ton où la malignité se mêlait à la compassion, et une inimitié habituelle à une douceur involontaire. Écoutez-moi. Je connais le sentiment secret contre lequel vous luttez mieux que le cœur innocent qui le renferme. Bannissez ce sentiment, détruisez-le, écrasez-le comme vous feriez d'un jeune reptile avant que le temps l'ait rendu aussi dégoûtant que venimeux. Je n'ai jamais de ma vie écrasé de reptile, dit Imélie. Vous aimez donc, dit l'étranger, mais ajouta-t-il après une longue et fatale pause. « Savez-vous quel est l'être que vous aimez ?»« C'est vous, dit l'Indienne, avec cette sincérité de l'innocence qui rend sacrée l'impulsion à laquelle elle cède, et qui rougirait plutôt des faussetés de l'art que de la confiance de la nature. C'est vous. Vous m'avez appris à penser, à aimer, à pleurer. C'est donc pour cela que vous m'aimez. Songez pour un moment, Imélie, à l'indignité de l'objet auquel vous prodiguez les trésors de votre sensibilité. Il n'a rien d'attrayant dans son extérieur. Ses habitudes sont même repoussantes. Il est séparé de la vie et de l'humanité par un abîme impossible à franchir. C'est un enfant déshérité par la nature, qui erre au loin pour tenter ou pour maudire ses frères plus heureux que lui. Un être qui... Mais qu'est-ce qui m'empêche de tout, vous dévoiler. » Dans ce moment, un éclair d'une vivacité telle qu'aucun œil humain n'en aurait pu supporter l'éclat brilla à travers les ruines et répandit une lumière affreuse. Imalié prouva un effroi et une émotion involontaire. Elle tomba sur ses genoux et couvrit de ses mains ses yeux éblouis et souffrants. Mais elle demeura ainsi pendant quelques moments et crut entendre parler à côté d'elle. Il lui semblait que l'étranger répondait à une voix qui lui adressait la parole. Elle distingua les mots suivants au bruit du tonnerre qui roulait dans le lointain. « Cette heure est à moi, et non à toi. Va-t'en et ne m'importune pas. » Quand elle leva les yeux, toute apparence d'émotion avait fui loin des traits de l'étranger. L'œil sec et brûlant du désespoir qu'il fixait sur elle semblait n'avoir jamais connu une larme. La main avec laquelle il la saisit semblait n'avoir jamais renfermé de sang. Son attouchement était froid comme celui de la mort. « Miséricorde !» s'écria l'Indienne en tremblant et en cherchant vainement un sentiment d'humanité dans des yeux que les siens invoquaient, baignés de larmes. « Miséricorde !» En prononçant ce mot, elle ne savait ni ce qu'elle demandait, ni ce qu'elle craignait. L'étranger ne répondit rien. Pas un de ses muscles ne se relâcha. On eût dit qu'il la serrait de ses mains sans la sentir, qu'il la regardait sans la voir. Il la porta, ou plutôt il la traîna jusqu'à cette vaste arcade qui avait servi autrefois d'entrée à la pagode, mais qui, dans l'état de délabrement où elle se trouvait, ressemblait plutôt à la bouche d'une caverne, demeure des habitants du désert, qu'au travail de l'homme consacré par lui au culte de la divinité. « Vous avez imploré la miséricorde, » lui dit son compagnon d'une voix qui glaça son sang, malgré la chaleur étouffante de l'atmosphère. « Vous avez imploré la miséricorde et vous l'aurez. Je n'en ai point trouvé, mais j'ai recherché mon affreuse destinée. Ma récompense est juste et assurée. Lève les yeux, femme tremblante, lève les yeux, je te l'ordonne. » Obéissant à ses ordres, elle écarta de ses yeux les longues tresses de cheveux dont elle venait de balayer en vain le rocher empreint des pas de celui qu'elle adorait. Avec la docilité d'un enfant et la douce soumission d'une femme, elle essaya de faire comme il lui disait. Mais ses yeux remplis de larmes ne purent supporter l'horreur du spectacle qui l'entourait. Elle essuya ses yeux brillants avec une chevelure qui se baignait chaque jour dans le cristal des eaux. Et tandis qu'elle s'efforçait de fixer ses regards sur la désolation de la nature, elle ressemblait à un esprit céleste, forcé de contempler les effets de la colère du Tout-Puissant, dont il adore les derniers résultats, quoique ses opérations lui soient inintelligibles. Imali s'approcha donc des ruines, et pour la première fois elle frémit en contemplant la nature. Jadis tous ces phénomènes lui avaient paru également terribles ou sublimes. L'éclat du soleil ou la sombre horreur de l'orage contribuaient également à la dévotion involontaire du cœur le plus pur. Mais depuis qu'elle avait vu l'étranger, de nouvelles émotions avaient rempli ce jeune cœur. Elle avait appris à pleurer, à craindre, et peut-être voyait-elle dans l'aspect effrayant des cieux le développement de cette terreur mystérieuse qui se cache toujours au fond du cœur de ceux qui osent aimer. « Imali !» s'écria l'étranger. « Est-ce ici le lieu? Est-ce le moment de parler d'amour? La nature entière tremble, le ciel est obscurci, les animaux se cachent, les buissons même frémissent, comme s'ils partageaient la terreur générale. C'est le moment d'implorer une protection puissante, » dit Imali en s'attachant à lui avec timidité. « Levez les yeux, » reprit l'étranger, tandis que les siens, fixes et sans émotion, semblait répondre par un éclair à chaque trait que lançait la foudre. Levez les yeux, et si vous n'avez pas la force de résister au mouvement de votre cœur, permettez-moi du moins de vous en indiquer un objet plus convenable. Aimez, ajouta-t-il en étendant les bras vers les cieux livides et troublés. Aimez l'orage dans toute sa force destructive. Unissez-vous à ces voyageurs rapides et périlleux des airs. à la foudre qui les déchire, au tonnerre qui les ébranle. Cherchez un abri tutélaire sous ces épais nuages, sous ces montagnes des cieux dont les bases ne reposent sur rien. Cherchez pour compagnon, pour amant, tout ce que la nature a de plus terrible. Suppliez-les de vous réduire en cendres. Périssez dans leur cruel embrasement, et vous serez plus heureuse, bien plus heureuse que si vous aviez vécu dans les miens. Vécu, que dis-je? Oh, qui peut être à moi et continuer à vivre? Écoutez-moi, Imali, écoutez-moi. En faisant cette apostrophe, il prit ses mains dans les siennes. Ses yeux fixés sur elle brillaient d'un éclat plus vif même qu'à l'ordinaire, tandis qu'un nouvel enthousiasme semblait pour un moment ébranler et donner un ton inusité à tout son être. Si vous voulez être à moi, il faut que ce soit au milieu d'une scène comme celle-ci. Au sein des flammes et des ténèbres, au sein de la haine et du désespoir, au sein... Sa voix n'était plus déjà qu'un cri diabolique de rage et d'horreur. Il étendait les bras comme pour lutter contre quelque objet que lui présentait son imagination. Et il allait s'élancer du lieu où il s'était placé avec Imali, poursuivi par le tableau que ses crimes et son désespoir avaient tracé, et par les images qu'il était condamné à contempler pour jamais. Par ce mouvement soudain, la douce Imali, perdant son appui, se trouva étendue à ses pieds. Sa voix était étouffée par la crainte, mais elle n'en conservait pas moins ce dévouement complet que le cœur d'une femme sait seul éprouver, et à ses plus effrayantes questions elle se contentait de répondre. « Serez-vous là ? Oui, là je dois être, et pour jamais. Et voudriez-vous, oseriez-vous y être avec moi ?» Une sauvage et terrible énergie donnait à sa voix une force extraordinaire. Pendant qu'il adressait ces mots affreux à l'être aimable qui, étendu à ses pieds, semblait une tourterelle fascinée qui s'élance dans le bec du vautour. Une légère convulsion agita les traits livides de l'étranger, et il ajouta « Eh bien donc, au milieu du tonnerre, je t'épouse, fiancée de la perdition, tu seras à moi pour toujours. Viens, répétons nos vœux sur l'autel chancelant de la nature. » Les foudres du ciel seront nos cierges, et la malédiction de l'univers sera notre bénédiction nuptiale. L'Indienne jeta un cri d'effroi, non à ces discours qu'elle ne comprenait pas, mais à l'expression qui les accompagnait. « Viens, répéta-t-il, afin que les ténèbres soient les témoins de notre union mémorable et éternelle. » Imali, pâle, effrayée, mais ferme, s'éloigna de lui. Dans cet instant, l'orage qui avait obscurci les cieux et ravagé la terre se dissipe, avec la rapidité ordinaire dans ces climats où ces terribles phénomènes ne durent que peu de moments, et sont bientôt remplacés par le ciel, le plus pur et le plus brillant. À mesure que l'étranger parlait, les nuages s'entr'ouvraient, et la lune apparut bientôt avec un état inconnu au ciel de l'Europe. La jeune Indienne trouva dans cette circonstance un présage aussi favorable à son imagination qu'à son cœur. Elle s'arracha d'auprès de l'étranger, et s'élançant dans la lumière de la nature dont l'éclat pouvait se comparer à la promesse de la rédemption, brillant au sein des ténèbres de la chute de l'homme, elle montra du doigt la lune, ce soleil des nuits de l'Orient, dont la lumière large et argentée couvrait, comme d'un manteau de gloire, les rochers et les ruines, les arbres et les fleurs. « Épousez-moi cette lumière, s'écria-t-elle, et je serai à vous pour toujours. » Sa physionomie céleste réfléchissait la lumière de la belle planète qui poursuivait sa course dans un ciel sans nuages, tandis que ses bras blancs et nus qu'elle étendait vers la lune semblaient dotés moins sans tache de leur union. « Épousez-moi cette lumière, répéta-t-elle en se mettant à genoux. « Et je serai à vous pour toujours. » Tandis qu'elle parlait, l'étranger s'approcha d'elle avec des sentiments qu'aucune pensée humaine ne pénétrera jamais. Dans ce moment, un léger phénomène vint changer sa destinée. Un nuage obscur couvrit pour un instant la lune, On eût dit que l'orage se hâtait de recueillir les derniers restes de sa fureur passée pour s'évanouir ensuite à jamais. Les yeux de l'étranger se fixèrent sur Imalie avec un mélange affreux de tendresse et de férocité. Il montra les nuages et dit « Épousez-moi par cette lumière, et vous serez à moi au siècle des siècles. » Imalie frémit en sentant sa main qui la saisissait avec force. Elle essaya vainement de découvrir l'expression de sa physionomie, mais elle comprit assez son danger pour s'arracher de ses bras. « Adieu pour jamais !» s'écria l'étranger en s'éloignant d'elle à son tour. Imalie, épuisée par l'émotion et la terreur, était tombée, privée de sentiments, sur un des monticules de décombres qui couvraient le sentier de la pagode ruinée. L'étranger revint, il la souleva dans ses bras, ses longs cheveux noirs les couvraient. Elle n'avait plus de mouvement, sa joue froide et décolorée s'appuyait sur son épaule. « Est-elle morte ? » murmura-t-il tout bas. « Eh bien, soit, qu'elle périsse, qu'elle meure mille fois plutôt que d'être à moi. » En disant ces mots, il replaça son immobile fardeau sur les décombres et quitta l'île pour n'y plus rentrer. Chapitre 5. Melmoth ou l'Homéran, de Robert Charles Mathurin, quatrième partie. 3 ans s'étaient écoulés depuis la séparation d'Imalie et de l'étranger, quand un soir l'attention de quelques gentils hommes espagnols qui se promenaient dans une allée du Prado de Madrid se fixa sur une personne qui passait auprès d'eux. Ses vêtements étaient ceux du pays, mais ils ne portaient point d'épée et marchaient fort lentement. Ils s'arrêtèrent avec un tressaillement simultané et parurent se demander, l'un l'autre, par leur regard, quelles avaient été la cause de l'impression que l'apparition de cet individu avait faite sur eux. Il n'y avait rien de remarquable dans sa figure, il marchait tranquillement, mais c'était l'expression singulière de sa physionomie qui les avait frappés d'une sensation qu'aucun d'eux ne pouvait expliquer. Ils étaient encore à la même place quand l'inconnu repassa devant eux, marchant toujours avec la même lenteur, et ils rencontrèrent de nouveau cette singulière expression dans les traits et surtout dans les yeux, qu'aucun regard humain ne pouvait contempler sans frémir. Accoutumés à considérer des objets révoltants pour la nature et pour l'homme, parcourant sans cesse les hospices des aliénés, les prisons de l'Inquisition, les cavernes de la faim, les cachots du crime ou le lit de mort du désespoir, ils avaient contracté un éclat et un langage qui leur étaient propres, un éclat que nul ne pouvait envisager, un langage que peu d'hommes auraient osé comprendre. Ces gentils hommes observèrent 2 autres personnes, dont l'attention paraissait comme la leur, fixée sur le même objet, car elle leur montrait du doigt et se parlait à voix basse avec des gestes qui indiquaient une émotion forte et évidente. La curiosité du groupe vainquit, pour une fois, la réserve espagnole, et s'approchant des 2 cavaliers, on leur demanda si l'étrange personnage qui venait de passer devant eux n'avait pas été le sujet de leur conversation et la cause de l'émotion qui avait marqué leur discours. Ils répondirent affirmativement et ajoutèrent qu'ils étaient instruits de certaines circonstances du caractère et de l'histoire de cet être extraordinaire qui pouvait justifier des marques d'émotion plus fortes encore à son aspect. Ces paroles augmentèrent la curiosité des passants et le groupe devint plus nombreux. Quelques personnes savaient ou prétendaient savoir des détails sur ce sujet remarquable, et il s'entama une de ces conversations vagues dont la matière principale se compose d'ignorance, de curiosité et de frayeur, mêlée à quelque peu de vérité et de connaissances positives. De ces conversations peu satisfaisantes, mais qui ne manquent pas d'intérêt, où chaque interlocuteur est bien aise de contribuer pour sa part au bruit, aux conjectures, aux anecdotes, d'autant plus facilement crues qu'elles sont plus incroyables, et aux conclusions d'autant plus convaincantes qu'elles sont plus fausses. Voici de quoi donner une idée de cette conversation. Mais quoi, dit l'un des interlocuteurs, s'il est réellement ce que l'on pense, ce que l'on assure qu'il est, pourquoi ne l'arrête-t-on pas? Pourquoi l'Inquisition ne s'en empare-t-elle pas? Il a déjà souvent été dans les prisons du Saint-Office, répondit un second, plus souvent peut-être que les révérends pères ne l'eussent voulu. Le fait est, cependant certain, qu'il a toujours été délivré sur le champ. Un quatrième ajouta que cet inconnu avait été enfermé tour à tour dans toutes les prisons de l'Europe, mais qu'il avait toujours trouvé moyen de mettre en défaut la puissance qui paraissait le tenir dans ses mains. Au moment même où l'on croyait qu'il expiait ses crimes dans un pays, il en commettait déjà de nouveau dans un autre. « Sait-on quelle est sa patrie ? » demanda quelqu'un. « Il est originaire de l'Irlande, répondit-on, pays peu connu, et où, par divers motifs, ses habitants ne restent qu'avec répugnance. Il s'appelle Melmoth. » Un des interlocuteurs, qui paraissait en savoir plus que les autres, leur fit part de la promptitude inconcevable avec laquelle cet étranger se transportait d'un pays à l'autre, promptitude qui surpassait tout moyen humain. Il leur raconta aussi que sa coutume était de rechercher partout les êtres les plus misérables et les plus vicieux, sans que l'on pût deviner le motif qu'il avait pour se plaire dans leur société. Comme il achevait de parler, une voix grave frappa les oreilles des personnes rassemblées. Elle prononça ces mots. « Ce motif est bien connu d'eux et de lui. » Le jour était baissé, ce qui n'empêchait pas que l'on distinguât fort bien la figure de l'étranger. Quelques personnes assurèrent même qu'elles avaient observé l'éclat remarquable de ses yeux, qui ne brillaient jamais sur la destinée des hommes que comme des planètes de malheur. Le groupe s'arrêta pendant quelque temps pour guetter le départ de cette figure, qui avait produit sur elle l'effet d'une torpille. Elle s'éloigna lentement. Personne ne tenta de l'arrêter. « J'ai entendu dire, observa quelqu'un, que la musique la plus délicieuse précède l'approche de cette personne quand elle se trouve près de la victime qui lui est permis de tenter ou de tourmenter. Parfois cette musique n'est sensible que pour la victime seule. Dans d'autres moments, les assistants peuvent l'entendre aussi. On en a fait les relations les plus étonnantes. La Sainte Vierge Marie nous protège. Avez-vous jamais ouï de pareils sons ? « Il n'est pas étonnant, dit un jeune fat de la société, que l'approche d'une créature aussi céleste que celle que j'aperçois soit annoncée par des sons délicieux. » Comme il parlait, tous les yeux se tournèrent vers une jeune femme qui, placée au milieu d'un groupe de personnes charmantes, les surpassait toutes par l'élégance de sa taille et sa marche noble, gracieuse et aisée. Elle ne cherchait point à attirer les regards, mais les regards s'arrêtaient tous sur elle, sans pouvoir s'en détacher. En vain ses compagnes faisaient-elles usage de toutes les armes que leur fournissait la coquetterie pour fixer l'attention des cavaliers. Il y en avait une dont les armes n'étaient point artificielles. Elles n'étaient formées que du contraste de ses attraits singuliers et simples, avec l'arrangement étudié des autres. Quand elle s'éventait, c'était vraiment pour se rafraîchir. Quand elle arrangeait son voile, c'était pour couvrir sa figure. Quand elle ajustait sa mantille, c'était pour cacher cette taille, dont la rare perfection n'était pas déguisée même par la volumineuse draperie qui la couvrait. Les hommes les plus dissolus ne pouvaient la contempler qu'avec un respect involontaire. Les infortunés trouvaient de la consolation à la regarder. Les vieux songeaient à leur jeunesse. Et les jeunes éprouvaient pour la première fois ce sentiment qui seul mérite le nom d'amour, parce que la pureté seule peut l'inspirer ou le récompenser. Nous avons déjà remarqué combien ces mouvements étaient gracieux et aisés. En effet, ils avaient tous une élasticité, un ressort, une vitalité qui faisait que chacune de ces actions était l'expression d'une pensée. Elle s'en apercevait soudain. et les efforts qu'elle faisait pour cacher ce qu'elle avait annoncé malgré elle, découvrait un nouveau charme à des sensations ainsi dévoilées. Autour d'elle régnait cet éclat d'innocence, de majesté, qui ne se trouve jamais uni que dans son sexe. Les hommes peuvent conserver longtemps sur leurs traits l'expression de la puissance que la nature leur a départie, mais celle de l'innocence tarde peu à s'oblitérer. Au milieu de toutes les grâces vives et un peu extraordinaires d'une figure qui semblait ne connaître d'autre loi que celle qu'elle s'était imposée à elle-même, régnait une teinte de mélancolie qui, aux yeux d'un observateur superficiel, aurait pu paraître passagère ou affectée, mais qui à d'autres offrait la preuve que, tandis que toute l'énergie de son intelligence était occupée et tout l'instinct de sa raison éveillé, son cœur était encore vide et demandait un habitant. Le groupe de cavaliers qui avait été occupé à cause de l'étranger se sentit irrésistiblement attiré à la vue de cet objet. Leurs chuchotements craintifs se changèrent en exclamations de plaisir et d'étonnement en voyant passer cette femme charmante. À peine avait-elle fait quelques pas pour s'éloigner, que l'on vit l'étranger se retourner lentement. Les femmes le rencontrèrent. Son regard fixe en choisit une seule sur laquelle il s'attacha. Elle le vit, le reconnut, jeta un grand cri et tomba par terre, privé de sentiments. Le tumulte occasionné par cet accident que tout le monde avait vu, sans que personne en pût deviner la cause, détourna pendant quelques instants l'attention qui cessa de se porter sur l'étranger. Chacun s'occupait d'assister la jeune dame ou de demander de ses nouvelles. On s'empressa de la porter dans sa voiture, et au moment où elle y fut placée, une voix non loin d'elle prononça le mot « d'Imali ». Elle reconnut cette voix et se retourna avec un regard d'angoisse et un faible cri vers le côté d'où elle était partie. Ceux qui l'entouraient l'avaient entendue comme elle, mais ne comprenant pas le sens du mot et ne sachant pas à qui il s'adressait, ils attribuèrent l'émotion de la jeune dame à son indisposition. La voiture partit et l'étranger la suivit des yeux. Bientôt la société se dispersa. Il resta seul. Les ombres s'épaississaient. Il ne paraissait pas remarquer ce changement. Un petit nombre de personnes qui ne l'avaient pas perdu de vue continuaient à se promener pour l'observer. Il ne les aperçut pas. L'un de ceux qui restèrent le plus longtemps dit qu'il lui avait vu faire un geste comme pour essuyer ses yeux. Les larmes de la pénitence lui étaient à jamais prohibées. Était-ce donc la passion qui aurait fait couler celle-là ? Dans ce cas, malheur à l'objet de cette passion.